بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Ou bien il les détruit en punition de ce qu'ils ont acquis comme péché. Cependant, il pardonne beaucoup. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. Ceux qui disputent à propos de nos preuves savent bien qu'ils n'ont pas d'échappatoire. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente. Mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Qui évite de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonne après s'être mis en colère. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salate, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent ce que nous leur attribuons. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. Et qui atteint par l'injustice riposte. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là pas de voie recours légal contre eux. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Il n'y a de voie de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus contrairement au droit sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. Et quiconque Allah égare n'a aucun protecteur après lui. Cependant, tu verras les injustes dire, en voyant le châtiment, y a-t-il un moyen de retourner sur terre ? وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي